Ainsi, je suis au service de la loi de Dieu par mon intelligence, mais mon comportement est au service de la loi du péché.